Inter. C'est Oli. O-L-I. La Bibli des petits. Je suis pas petit, je suis grand. Bonjour, je suis Claire Bérest. Je vais vous raconter l'histoire d'Azalrus et le bâton de pluie. Azalrus n'aime pas se lever le matin pour aller à l'école. Il préfère rester dans son lit, se mettre en boule sous la couverture et rester à jouer dans ses rêves. Mais comme dit sa mère tous les matins, « Tu sais, Azalrus, le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. » Le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt, il ne sait pas ce que ça veut dire. Comme la plupart des choses que lui répètent ses parents. Mais il aime bien la musique que ça fait dans sa tête, les mots qui sortent de leur bouche de parents. Le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Alors, lui, il répète les phrases de parents à sa copine Prolinetta. Tu sais, Prolinetta, la ronde se retient à deux qui se pêchent haut. La ronde se retient à deux qui se pêchent haut. Elle est d'accord, Prolinetta, toujours d'accord avec lui, parce qu'elle est sa meilleure amie. Azalrus, il sait quand c'est le moment de se lever pour l'école. Parce que tous les jours, à la même heure, le soleil envoie un rayon étincelant pousser le carreau de sa fenêtre et le rayon vient jusque sur son visage et lui caresse le nez. Alors, Azalrus sort du lit, cherche ses chaussons parce que sinon sa mère a peur qu'il ait froid aux pieds. Il va dans la salle de bain et il jette quelques gouttes d'eau dans son cou. Puis il va jusqu'à la cuisine où sa maman est en train de préparer son chocolat chaud avec des tartines. Et beaucoup de miel sur les tartines. Azalrus adore le miel. Alors sa mère lui dit « Azalrus, si tu continues à mettre du miel, ce ne sera pas une tartine au miel, mais un miel à la tartine. » Azalrus aime bien que sa mère dise les mêmes choses chaque jour comme un super robot. Ensuite, Prolinetta sonne à la porte pour qu'ils partent ensemble à l'école, parce que Prolinetta est sa meilleure amie et sa voisine, ce qui est très pratique, parce qu'ils peuvent jouer ensemble autant qu'ils veulent, et que c'est le même rayon de soleil étincelant qui pousse la fenêtre de la chambre d'Azalrus et qui va aussi caresser le visage de Prolinetta pour qu'elle se réveille. Parce qu'ils habitent juste à côté, donc les fenêtres de leurs deux chambres sont très proches. Sur le chemin de l'école, Azalrus et Prolinetta aiment bien faire la course, mais aussi marcher à cloche-pied en évitant les dalles rouges et en ne sautant que sur les pavés gris, comme si les dalles rouges étaient des pièges maléfiques. Et ils sont contents de retrouver la maîtresse, parce qu'elle a promis qu'aujourd'hui, ils allaient fabriquer des bâtons de pluie. Azalrus et Prolinetta se demandent bien ce que c'est un bâton de pluie. Du coup, ils sont très curieux et excités comme des puces. Est-ce que tu penses que c'est un bâton magique qui permet de faire tomber la pluie ? Demande Azalrus à Prolinetta, parce que ça lui rappelle une histoire avec des Indiens d'Amérique qui avaient des chevaux, des tipis et dans son souvenir des bâtons de pluie. Non, répond Prolinetta, je pense que c'est un bâton d'eau qui empêche les enfants de pleurer parce qu'ils collectionnent les larmes pour les transformer en gouttes de pluie. Ou alors, c'est un bâton qui change de couleur pour prévenir quand il va faire beau, rétorque Azalrus. Peut-être, dit Prolinetta en sautant à cloche-pied, en visant bien les pavés gris. Leur maîtresse, elle s'appelle Athalie. Elle a les cheveux bruns, une veste rouge et de bonnes idées d'activité. C'est elle qui dit ce mot « Aujourd'hui, on va faire une activité ». Et Azalrus sait que « activité », c'est le mot d'adulte pour dire « jeu ». Prolinetta, elle pense que la maîtresse s'appelle en vrai Nathalie et pas Athalie, mais qu'elle a perdu le grand N de son prénom. Alors un jour, elle lui a demandé « Maîtresse, tu t'appelles en vrai Nathalie et tu as perdu le N quelque part ? Alors du coup, maintenant, tu t'appelles Athalie ? Est-ce que tu es triste ?» Et la maîtresse lui a dit que non, elle n'était pas triste, parce qu'elle s'appelait simplement Athalie et qu'elle n'avait pas perdu de lettres, qu'il ne fallait donc pas s'inquiéter. Alors Prolinetta était rassurée. Il faut dire que Prolinetta a très peur de perdre les lettres de son prénom à elle. Quand elle l'écrit sur une feuille en classe, après avoir fait un dessin, elle compte bien toutes les lettres. Le P, le R, le O, le L, le I, le N, le E, le T, le A, ça fait 9 lettres. Elle compte de 1 jusqu'à 9, et si ça n'arrive pas à 9, elle part à la recherche de la lettre qui a disparu. C'est comme une chasse au trésor. Elle demande à Azalerus de l'aider, parce qu'ils sont assis ensemble à l'école, parce qu'ils sont des meilleurs amis. Alors, Azalerus va chercher dans la classe, sous les tables, derrière les rideaux, dans le pot des crayons, dans les casiers, et entre les livres de la bibliothèque, où est cachée la lettre disparue de Prolinetta. C'est surtout le O qui s'échappe. Il saute de table en table, c'est facile, comme il est tout rond, il rebondit bien. Donc, il arrive à s'échapper assez vite. Et souvent le O, il va se planquer dans la poche de la veste rouge de maîtresse Athalie. Maîtresse Athalie, elle demande aux enfants de faire la ronde quand ils arrivent en classe et chacun doit dire bonjour aux autres copains. C'est important de se dire bonjour, elle dit, et de s'échanger des sourires. À la récré, ils s'échangent aussi des billes et des chewing-gums, même si les chewing-gums c'est interdit dans l'école, parce que parfois ils atterrissent dans les cheveux des filles. Les poux aussi, Azalerus les échange volontiers avec les copains, c'est comme les sourires, sauf que ça gratte. Avec maîtresse Athalie, aujourd'hui, ils ont posé sur la table des paquets de riz et des tubes en carton gris. Prolinetta, qui est très intelligente, a remarqué que les tubes gris, c'était les mêmes que ceux des sopalins et des papiers toilettes. Azalerus et Prolinetta, ils ont décoré les tubes avec du vert, du jaune et du bleu, mais aussi du rouge et des paillettes dorées et des plumes de pigeon qu'ils ont trouvées dans la cour de récréation. Ensuite, avec la maîtresse, ils ont rempli les tubes avec des grains de riz et ils ont scotché les deux bouts. Après, c'était le moment du temps calme, comme dit maîtresse Athalie. C'est amusant parce que ça veut dire que le reste du temps n'est pas calme, alors. C'est un temps qui fait le fou, donc. Pendant le temps calme, maîtresse Athalie a dit à tout le monde de prendre des couvertures et de s'allonger. Elle a tiré les rideaux de la classe et elle a éteint la lumière. Une fois que c'était fait, elle a dit de fermer les yeux et de prendre les bâtons de pluie, puis de les retourner doucement, tout doucement, comme une vague, près de l'oreille. Et soudain dans la classe, c'était la tempête. La pluie tombait de partout. Il y avait des grosses pluies et des pluies toutes menues. Il y avait des pluies en colère et des pluies heureuses. Prolinetta, elle s'est collée tout près d'Azalerus et elle a dit « Écoute, comme c'est beau le riz qui pleure !» Elle a ajouté « Mais j'aimerais quand même aussi avoir un bâton de soleil pour consoler mon bâton de pluie. » Et Prolinetta avait l'air contrariée. Après l'école, quand Azalerus est arrivé chez lui, il a mis le bâton de pluie sous son oreiller. Quand il est allé se coucher après avoir mangé des saucisses et des petits pois, sa mère est venue lui faire un bisou de bonne nuit. À chaque fois, sa mère, elle lui fait un bisou sur chaque œil. Et elle avale ses cauchemars en les aspirant directement de son front. Azalerus lui demande quel goût a son cauchemar et ça varie. Ce soir, sa mère a dit il a un goût de tiramisu. Azalerus lui a alors demandé de fermer les yeux. Sa mère a fermé les yeux et Azalerus a renversé le bâton de pluie en cascade près de son oreille. « Comme c'est joli !» a dit sa maman. « On dirait une pluie de champagne !» Azalerus n'aime pas se lever le matin pour aller à l'école, même s'il aime bien l'école. Comme on l'a dit, il sait que c'est l'heure de se lever parce que le soleil pousse le carreau de sa fenêtre avec un rayon pour lui caresser le visage. Et ce matin, Azalerus a une idée. Il attrape dans sa main le rayon qui se faufile vers lui et il en casse un morceau d'un coup sec, en faisant attention de ne pas lui faire mal. C'est tout chaud et ça brille dans sa main comme une baguette magique. Je vais l'offrir à Prolineta, se dit Azalrus très content. Ce bâton de soleil va consoler le chagrin de son bâton de pluie. Et voilà, l'histoire est finie et maintenant, au lit. Non, une autre. Retrouve la collection Oli dans de beaux albums illustrés disponibles en librairie. Avec les histoires d'Agnès Martin-Lugan, Mazarine Pinjot, Adeline Dieudonné, Olivier Norek, François Morel et bien d'autres.